La rechute. C'en est fait, j'ai brisé mes chaînes. Amis, je reviens dans vos bras. Les belles ne vous valent pas. Leur faveur coûte trop de peine. Je leur dis adieu pour toujours. Bouteille longtemps négligée, remplace chez moi les amours et distrait mon âme affligée. Buvons, ô mes amis, buvons. C'est le seul plaisir sans mélange. Il est de toutes les saisons. Lui seul nous console et nous venge des maîtresses que nous perdons. Que dis-je, malheureux? Ah, qu'il est difficile de feindre la gaieté dans le sein des douleurs. La bouche sourit mal quand les yeux sont en pleurs. Repoussons loin de nous ce nectar inutile. Et toi, tendre amitié, plaisir pur et divin, non, tu ne suffis plus à mon âme égarée. Au cri des passions qui couvent dans mon sein, en vain tu veux mêler ta voix douce et sacrée. Tu gémis de mes maux qu'il falloit prévenir. Tu m'offres ton appui lorsque la chute est faite, et tu sondes ma plaie au lieu de la guérir. Va, ne m'apporte plus ta prudence inquiète. Laisse-moi m'étourdir sur la réalité. Laisse-moi m'enfoncer dans le sein des chimères, tout courbé sous les fers, chanter la liberté, saisir avec transport les ombres passagères et parler de félicité en versant des larmes amères. Ils viendront, ces paisibles jours, ces moments du réveil, où la raison sévère, dans la nuit des erreurs, fait briller sa lumière et dissipe sous nos yeux le songe des amours. Le temps, qui, d'une aile légère, emporte en se jouant nos goûts et nos penchants, mettra bientôt le terme à mes égarements. Ô mes amis, alors échappé de ces chaînes, mon cœur dans votre sein déposera ses peines. Ce cœur qui vous trahit revolera vers vous. Sur votre expérience, appuyant ma faiblesse, peut-être je pourrai, d'une folle tendresse, prévenir les retours jaloux sur les plaisirs de mon aurore. Vous me verrez tourner des yeux mouillés de pleurs, soupirer malgré moi, rougir de mes erreurs, et même en rougissant, les regretter encore.